Dossier 4. Livre page 54. Question A. 1. Il fait beau aujourd'hui. 2. Quel cours tu as ? J'ai un cours de géographie. 3. Tu aimes le sport ? Oui, j'aime la gymnastique. 4. Le berger garde les moutons. 5. C'est mon anniversaire. Je vais allumer 14 bougies. 6. Qu'est-ce que tu manges ? Une pomme.